بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 36 بعد المئة. 36e leçon. Toujours dans les actes quotidiens du muslim et de nuit. عمل المسلم يوم وليلة. Dans le livre du Adab. فقال في السؤال 1200e question. ماذا يقول عند دخول الحمام؟ Maintenant, on va parler du comportement aux toilettes. Qu'est-ce qu'il dit en rentrant aux toilettes? Il dit اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Comme dans le hadith d'Anas ibn Malik. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre au hammam, il dit cela. Et le hadith, c'est le mutawakkil alayhi. Et le khubuth ou le khaba'ith, ce sont les shayatin mâles et femelles. Shayatin mâles et femelles. Et dans des hadiths, il est venu que celui qui enlève ses vêtements, qu'il fasse la basmala. Il dit bismillah. ثم قال في سؤال الواحد ومئتين بعد ألف 1201e question أي رجلين يقدم عند دخول الحمام؟ Quelle est la jambe qui fait devancer en rentrant justement aux toilettes? Et il dit la jambe gauche. Comme dans le hadith de Hafsa, femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشراب وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. Que le prophète صلى الله عليه وسلم privilégiait sa main droite pour sa nourriture, pour sa boisson, pour ses vêtements et autres, la purification, et la gauche pour le reste. Rapporté par Abu Daoud. Et ça s'est confirmé par Aïcha. Quand elle a dit qu'un ami sallam lui a dit qu'il aimait commencer par la droite. Puis, tuhurihi, ou tana'ulihi, en mettant ses sandales, ou tuhurihi, en se purifiant, ou tarajulihi, lorsqu'il se coiffait. D'accord ? Ou vi sha'nihi kulli, et en toute situation, qui a mené à un bien. Il commençait par la droite. Donc rentrer aux toilettes est un lieu qui est un lieu d'impureté. Donc on commence par le pied gauche. Bien qu'il n'y ait pas le texte précis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le stipule, mais selon les adillah, les preuves générales. On en cherche cela comme conclusion. Et que le Nawawi dit que c'est un comportement sur lequel il y a unanimité qui est recommandable. Thumma qala fi sual. الثاني ومئتين بعد ألف 1202e question. أذكر بعض آداب قضاء الحاجة. Donc cite certains comportements lors de l'accomplissement des besoins que l'on doit avoir lorsqu'on accomplit les besoins. Donc cela se regroupe à quoi? À le fait de ne pas faire face à la Qibla, ni de lui tourner le dos, ni de s'essuyer, de faire le l'estinjé, c'est-à-dire le lavage intime, le lavage, on va dire, des parties touchées par le najasa avec la main droite, et de ne pas se faire le stinjé avec des pierres, avec moins de trois pierres, et ni avec des crottins ou des ossements, crottins séchés, comme dans le hadith de Salman. قال قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous enseignait toutes choses, même comment vous comporter aux toilettes? Et Salman, il a dit oui. Et qui cita que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il nous a interdit de faire face à la Qibla pour les grands ou petits besoins. Et de nous nettoyer avec la main droite. Ou de se purifier, c'est-à-dire les parties touchées par le najasa, avec moins de trois pierres. Et de nous purifier également, c'est-à-dire quand on est dans la nature, hein, je parle par exemple par rapport à ça, avec des crottins ou avec des ossements. On prend des pierres. Le papier toilette c'est permis, les mouchoirs c'est permis, mais la sunna c'est l'eau avec la main gauche. Et cela peut paraître écœurant à certaines personnes au premier abord, quand ils ne connaissent pas. Et en réalité, c'est la meilleure chose à faire. Car la main elle est nettoyée, alhamdoulilah, tu économises, tu n'as pas besoin de papier toilette, qui des fois peut causer des irritations, ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ou alors, il y a ce qu'on appelle le jet, qui se vend parfois, comme une forme de mini-douche, avec une pression qui nettoie également. Ça aussi, c'est correct. Également, on ne tient pas, pour les hommes, on ne tient pas le pénis avec la main droite lorsque l'on urine. Comme dans le hadith de Qatada. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que aucun d'entre vous ne tienne son pénis par sa main droite alors qu'il urine. Également, qu'il ne s'essuie pas, justement, après avoir fait les grands besoins avec sa main droite. Et lorsqu'il boit, il ne respire pas dans le récipient. Muttafaqun alayhi. Également, qu'on ne fait pas les grands besoins, ni les petits besoins, également, dans les lieux de passage des gens, ni dans les lieux ombragés dans lesquels ils se reposent. Comme par exemple sous un abrufitier, un lieu où les gens y passent, car cela nuit aux gens. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, craignez les deux choses qui maudissent. C'est quoi ces deux choses-là qui maudissent au message d'Allah? Celui qui fait ses besoins dans le chemin des gens ou alors dans leur ombre, les lieux qu'ils prennent comme ombre pour se reposer. Et ça contredit le minimum de la foi qui est le minimum de la foi, c'est enlever les obstacles du chemin. Là, tu viens et tu fais tes besoins en plein chemin. Rien qu'à titre d'exemple, lorsque les gens, dans les pays où il y a des chiens qui sortent et qui font leurs besoins dehors, même les mécréants ont fait des lois pour que le chien ne fasse plus cela sur les lieux de passage. Car les gens marchent dessus avec des chaussures. Et cela est pour eux une chose qui dérange, bien évidemment. Donc, qu'en est-il d'être humain? Car même le chien, il y a une divergence. Certains voient que son excrément n'est pas une impureté. Mais l'être humain, il a une limite, c'est l'impureté. Et quoi qu'il en soit, il n'y a rien d'agréable à venir à marcher. Et tu marches là-dedans. Ou alors quelqu'un vient pour se reposer quelque part, car à l'époque il n'y a pas de chemin comme maintenant en bitume ou en ciment, et il s'assoit sur des excréments ou sur de l'urine. Wali azubillah. Ce maqal, voilà, il dit, il ne fait pas ses besoins devant les gens. Il va se mettre dans un coin, il s'isole. Comme dans le hadith de Mourir ibn Shu'ba, quand il est avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, fantalaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage un soir et qu'il s'est éloigné de moi et il a fait ses besoins. D'accord ? On ne reste pas devant les gens. On évite les odeurs et les bruits dérangeants. On s'éloigne. Maintenant, alhamdoulilah, on a les toilettes sont des pièces fermées qui sont à part, mais avant, quand quelqu'un est dans la nature, ce genre de choses, il s'éloigne. Également, parmi le comportement, de faire attention à ce que l'urine ne revienne pas sur nous lorsque l'on urine. Et cela n'entache pas les vêtements ou le corps. Car ça, c'est une cause du azab al-kabr, du châtiment de la tombe. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé devant deux tombes, il a dit qu'ils sont en train de se faire châtier. Et il a dit, par rapport à c'est quoi la cause, Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Il y en a un qui c'était un ammam, un calomnieur. Ou un calomniateur, je ne sais plus comment on dit, calomnieur. Donc calomniateur, j'ai oublié le mot en français, je m'excuse. Et le deuxième, Amal Acha fakana alayestatir min baulihi. Il ne se préservait pas de son urine. Et ça a été interprété de deux façons. Soit qu'il urinait devant les gens sans se cacher, ou soit alors qu'il ne se préservait pas que l'urine ne revienne sur lui. Donc lorsqu'on est quelque part dans un lieu, dans la nature par exemple, qu'on veut uriner, on fait attention que ce soit par exemple, un sol assez mou. Pour ne pas que ça éclabousse. Par exemple, quelqu'un qui urine sur de la pierre, ça va éclabousser automatiquement. Mais sur les lieux comme de la terre ou du sable, cela, alhamdoulilah, cela est évitable. Parmi les comportements également que l'on n'a pas cité, c'est qu'on ne parle pas pendant que l'on fait les besoins, si ce n'est en réel cas de besoin. On évite de parler. Et on ne cite pas Allah Azza wa Jal près du lieu de défection. Car c'est un lieu d'impureté. Ce maqal, fi su'al al-thalith wa 200 ba'd alf, 1203e question. Ils estarmala tayyib al-hijara fi tanazzuf min qada al-haja, fa kam yakun 'adaduha? Que si jamais il utilise des pierres pour se nettoyer le stinja après avoir fait ses besoins. Combien prend-il de pierres? On a expliqué auparavant là, c'est 3 pierres au minimum. 3 pierres. D'accord? Pour le grand excrément. Pour les grands besoins ou petits besoins, on utilise 3 pierres pour se nettoyer, au minimum. Et si ça ne suffit pas, on ne fait qu'un nombre impair, on prend 5, après 7, après 9, ainsi de suite, parce qu'on a enlevé l'impureté. Mais le meilleur, c'est l'eau. Thumma qala fi su'al rabi' wa mi'atin ba'd alf, 1280e question. Hal yajuzu an yuzkaru Allah asna qada al-haja, tu permets d'évoquer Allah au moment où on a compris les besoins. On dit cela n'est pas permis. Wala yajuz. Comme de la hadith d'Ibn Omar, qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yabul, fa sallama 'alayhi fa lam yurid 'alayhi salam. Rawahu Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'uriner, elle a même passé le passé salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas rendu le salam. Alors qu'à la base, rendre le salam, c'est obligatoire, comme vous le savez, parmi les droits du musulman. Bah, à ce moment-là, le Nabi sallam ne l'a pas fait, pourquoi? Car il était en train de faire, d'accomplir ses besoins. Thumma qala fi su'al khamis wa mi'atin ba'd alf, 1205e question. Bimaza yuqaddam 'inda khuruj min al-hammam. Qu'est-ce que l'on fait devancer en sortant du lieu de toilette, du lieu des besoins, des toilettes, en sortant des toilettes? On fait devancer la jambe droite. Contrairement à l'entrée qui était la jambe gauche, on sort par la jambe droite. D'accord? Et ça, comme on l'a expliqué, il n'y a pas de dalil clair, mais c'est parmi les déductions générales des autres preuves. Et c'est également rapporté de Ibn Omar qui faisait cela. Et le contraire pour le masjid. Masjid, il commençait en rentrant par son pied droit, et il sortait du masjid en sortant par son pied gauche. نعم فنكتفي بهذا القدر اليوم اي اون ا باريس كونسيرني لو كومبورتمون افوار لور دي بيزون دو فاصون ريزومي فالحمد لله رب العالمين